s'en moque. La journée est commencée, il est déjà à bloc. Un câlin, une caresse suffisent à son bonheur. C'est sa petite faiblesse, il en est amateur. Ce qui compte c'est l'amour, le vrai, l'évidence. Authentique toujours, le reste sans importance. Je me fous des préjugés, je me balance du niveau social. Les critères de beauté, pour moi tout ça m'est bien légal. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. C'est moi Texas, et tu l'as bien compris. De ses pas, il est fier comme un dieu, mais n'en oublie pas ses centres d'intérêt, sa gamelle, ses balades. Pour lui, la vie est belle et c'est loin d'être une boutade. Un câlin, une caresse suffisent à son bonheur. C'est sa petite faiblesse, il en est amateur. Ce qui compte, c'est l'amour, le vrai, l'évidence. Authentique toujours, le reste sans importance. Des préjugés, je me balance du niveau social. Des critères de beauté, pour moi tout ça m'est bien légal. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. C'est moi Texas, et tu l'as bien compris. Je me fous des préjugés, je me balance du niveau social. Des critères de beauté, pour moi tout ça m'est bien légal. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. T'as compris qui je suis, et c'est moi qui te suis.